CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show, le plus grand forum d'innovation au monde, IBM a présenté au début du mois son tout premier ordinateur quantique commercial. Coup de com', coup de pub ou véritable avancée technologique? Parce que si la puissance informatique ne cesse de croître depuis l'invention de l'ordinateur, cette croissance exponentielle, formalisée sous le nom de loi de Moore, arriverait à sa fin. Qu'est-ce donc que cette loi de Moore qui prophétisait en 1965 le doublement de la puissance de calcul tous les 2 ans? Pourquoi toucherait-elle ses limites? L'ordinateur quantique en permettrait-il la prolongation? Y a-t-il une vie après la loi de Moore? C'est le programme In Silico qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer la progression des performances physiques et économiques, également de l'informatique en un demi-siècle, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maud Vinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicienne, chercheuse en microélectronique au CEA Leti. Et bonjour à vous, Claude Vesbuche. Bonjour. Vous êtes physicien, directeur émérite de recherche CNRS à l'École Polytechnique et professeur à l'Université de Californie, également membre de l'Académie des Technologies. Vous pouvez suivre cette émission, comme tous les jours, sur l'antenne de France Culture en direct, en ce moment même, en replay, via le site franceculture.fr, quand vous le souhaitez, en podcast sur votre application préférée. Et pour conclure, en parallèle, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc, où nous postons tout au long de l'heure un certain nombre d'articles, de graphiques qui viennent compléter l'écoute de cette émission. Pour commencer donc, comme chaque jour, nous allons remonter le temps jusqu'en 1969 aujourd'hui, soit 5 ans après que Gordon Moore a énoncé ce qui deviendra donc la loi de Moore, une loi d'ores et déjà confirmée par le directeur technique d'IBM France de l'époque. Écoutez ce reportage de l'ERTF, nous sommes le 18 mai 1969. Si je reviens simplement 10 ans en arrière, nous utilisions à cette époque dans nos ordinateurs des tubes électroniques identiques à celui-ci, des résistances également classiques, et l'ensemble de ces pièces détachées étaient regroupées sous forme de circuits élémentaires qui constituaient les cellules de base de l'ordinateur. D'une façon générale, les pièces détachées que nous utilisions à cette époque étaient assez proches des pièces détachées utilisées dans l'industrie. Aujourd'hui, nous fabriquons des pièces spécialement conçues pour les applications ordinateurs. En particulier, le tube électronique a été remplacé par des transistors. Ce flacon de transistor en contient 50 000, ce qui permet de visualiser l'évolution technologique considérable effectuée en 10 années. En plus, chacun de ces transistors représente des performances environ 100 fois supérieures aux performances d'un tube électronique. Voilà, en préparant l'émission, en entendant 50 000 transistors, en fait, on peut quasiment dater l'archive juste au nombre de transistors, hein, Claude Vesbuche, dans l'histoire de l'informatique. Tout à fait, oui, bien sûr, les transistors font la même taille qu'un circuit intégré pratiquement moderne, qu'une puce électronique, et donc effectivement, on mettrait 50 000 circuits intégrés maintenant dans une bouteille aussi. Votre réaction quand vous entendez cela, on est donc en 69, je le disais, hein, 5 ans après que Gordon Moore a énoncé ce qui deviendra sa loi. On est vraiment sur les tout débuts de l'informatique. Qu'est-ce que ça vous évoque, Maud Vinet? Moi, avec le recul, je trouve que cette histoire de l'innovation qu'il y a eu dans l'industrie de la microélectronique est assez phénoménale. Gordon Moore, il est parti d'un constat où on lui a demandé de regarder... c'était une commande de regarder comment ça allait évoluer. Et puis, il a émis cette observation qui est devenue un peu une théorie prédicatrice et qui a façonné toute l'industrie de la microélectronique, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue scientifique. Ce qui est intéressant pour nous, c'est le lien entre économie et science. Peut-être qu'on peut revenir un peu, parce qu'on entendait justement l'apparition de ces transistors qui remplacent les tubes. Claude Vesbuche, oui. Qu'est-ce que c'est qu'un transistor? Comment ça marche finalement, ces histoires de transistors dans les ordinateurs? Alors le transistor, c'est simplement un interrupteur qui permet de laisser passer des paquets d'électrons, des paquets de courant électrique. Et c'est un paquet d'électrons, aujourd'hui c'est 10 000 électrons, ça représente un bit d'information. Donc après, en mettant des séquences, en faisant passer des séquences de paquets d'électrons, on va générer, suivant l'organisation des bits, des chiffres, des lettres. Et après, les transistors, en les faisant circuler, permettront de manipuler cette information. Ce qui est émouvant dans cette archive de 1969, c'est qu'en même temps, il y avait la première éruption importante des circuits intégrés. C'était le fait que la mission Apollo a été permise uniquement parce qu'il y avait les premiers circuits intégrés qui ont permis de réduire fortement le poids de l'électronique dans la mission lunaire. On voit effectivement que c'est une vaste histoire de la miniaturisation, hein, on va en parler, c'est celle que nous allons évoquer aujourd'hui. Peut-être peut-on refaire un peu d'histoire, Maud Vinet, ces premiers ordinateurs, ces premières machines, le premier transistor date de 1947. Comment est-ce que ça s'est construit justement petit à petit jusqu'à l'apparition des premières puces électroniques dans les années 70, jusqu'à ce que l'ordinateur se réduise suffisamment pour rentrer dans les foyers? Alors, je ne sais pas si je vais être exhaustive, mais il y a une histoire, il y a une longue tradition de pionniers qui ont commencé à construire ce transistor, donc qui est, comme le disait Monsieur Weilbruch, avec comme un interrupteur qu'on va ouvrir ou fermer, comme un robinet. On a cherché des matériaux. Au départ, on n'était pas parti sur le silicium. Il y a eu de l'innovation et on était parti sur du germanium. Il y a eu des démonstrations. Puis après, le silicium est arrivé. Le silicium, il a une propriété magique qui est d'avoir un oxyde stable. Et puis, on a petit à petit appris la technique et puis diminué les tailles. C'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place une industrie avec cette mission Apollo et The Hidden Figures. Je ne sais pas si vous avez vu le film sur l'équipe de calculatrices est petit à petit remplacée par les machines d'IBM qui vont permettre de calculer ces trajectoires. Et pour l'anecdote, Watson, qui dirigeait alors IBM, avait dit « Oh là là, je pense qu'il y a de la place pour quelques machines, 5 maximum de ce type. » Et puis on voit que l'histoire aura prouvé qu'il avait tort, parce qu'il y a eu une pervasion massive de toute cette industrie de la microélectronique. Et on y reviendra sur la loi de Moore et Bob Denhardt qui ont permis de réaliser cette loi de Moore. Claude Vesbuche, le silicium, c'est quoi cette propriété qui fait qu'à un moment donné, c'est devenu le matériau évident pour la course à la miniaturisation? Alors, le germanium avait les semi-conducteurs ont une propriété fondamentale qui est leur bande d'énergie interdite, c'est-à-dire l'énergie qui caractérise le passage des électrons de leur état fondamental à l'état excité. Et le germanium avait une bande d'énergie un peu faible, ce qui fait que dès que la température augmentait, il y avait une avalanche de production d'électrons qui se produisait. Et donc du coup, dès qu'on voulait un peu stimuler des calculs, de la puissance, il y avait une dérive thermique épouvantable qui faisait que le transistor ne fonctionnait plus. Alors que le silicium, à cause de cette propriété fondamentale, permettait de travailler à forte puissance, à haute température. On travaille avec des courants des densités de courants gigantesques. L'autre aspect qu'a dit Maud Vinet, c'est effectivement l'oxyde. C'est l'oxyde, c'est-à-dire ça permet de... Il y a un petit miracle. On chauffe un bout de silicium en présence d'oxygène et d'eau. Et va se former, au lieu d'avoir des atomes de silicium pur, vont se former des liaisons entre du silicium et de l'oxygène. Et donc, l'oxyde de silicium qui se forme, c'est un parfait isolant. On a besoin d'isolants pour faire des transistors, pour faire beaucoup de fonctions dans un circuit intégré. Et le miracle, c'est que, alors que la puce de silicium, la surface de silicium au début a beaucoup de défauts d'impureté, la surface qui va descendre dans le silicium, puisqu'on crée petit à petit en surface l'oxyde de silicium, la surface à l'intérieur du silicium va devenir parfaitement propre. Donc en plus, on s'est débarrassé de toutes les impuretés de surface. Ça, c'est le choix, le triomphe du silicium pour ces transistors. Comment est-ce qu'on passe finalement, Maud Vinet, du transistor au circuit intégré, du circuit intégré au processeur? Quel est le chemin qui va, peut-être Claude Vesbuche ou Maud Vinet qui veut répondre à cette question? Claude Vesbuche. Oui, je veux bien. Déjà, pour continuer sur les bêtises qu'on a pu dire, là, Watson disait qu'il y aura besoin de 4 à 5 ordinateurs en tout dans le monde. En plus, Watson était contre le transistor. Donc, en fait, le premier ordinateur à transistor qui a été fait chez IBM a été fait en cachette. Le 360, qui a fait la fortune d'IBM, en fait, a été fait en cachette de Watson à l'époque. Après, à la fin des années 70, le PDG, le président d'une société qui s'appelait Digital, qui avait taillé des croupières à IBM, s'est mise à... Et donc était vraiment un spécialiste, a dit « on n'aura jamais besoin d'ordinateur personnel chez soi ». Donc là, déjà, il y avait... Alors, pour revenir au circuit intégré, donc les premiers circuits intégrés faisaient des fonctions très simples. Ils avaient quelques dizaines de transistors. Moi-même, j'ai commencé à travailler avec des circuits intégrés qui avaient une cinquantaine de transistors. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un circuit intégré, en quelques mots? Alors, un circuit intégré, donc, c'est le début de la microélectronique. C'est l'invention pour laquelle Kilby a eu le prix Nobel. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient déjà à mettre toutes les fonctions des circuits électroniques sur un seul morceau de matériau. D'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait l'électronique moléculaire. Ça s'appelait pas la microélectronique, ça s'appelait l'électronique moléculaire. Les Anglais, dès les années 50, appelaient ça l'électronique moléculaire. Alors, il s'agit simplement de mettre à la fois un transistor, une résistance et un condensateur, et beaucoup après, mais les différentes fonctions dont on a besoin pour faire commencer à traiter l'information sur un seul matériau. Il était remarqué que l'inventeur du transistor, la société Bell qui avait inventé le transistor, ne croyait pas au circuit intégré. L'idée de mettre ensemble, avec un seul matériau, à partir de seuls matériaux qu'on peut mettre sur une puce, des transistors, des condensateurs et des résistances, pour eux, chacun des éléments serait moins bon que qu'on prenait séparément ces éléments pour les assembler sur des circuits imprimés, ce qu'on appelle les circuits imprimés. Ils avaient raison dans le principe, mais en fait, on peut en faire tellement des composants qu'on peut corriger tous les défauts qu'il peut y avoir, et du coup, l'ensemble se révèle bien meilleur. Alors, à partir de ça, on a commencé à faire des circuits très simples qui faisaient, par exemple, des calculettes. Ça, c'était le premier truc. Les machines à calcul, quoi. Et puis, un jour, il y a une société japonaise qui vient voir Intel, qui avait commencé à faire des circuits intégrés, des mémoires, et leur demande de leur faire une calculette en une seule puce. Et là, Intel dit « oui, on va le faire ». Donc, c'est une commande d'une société japonaise. Ils font un circuit intégré qui comporte suffisamment de transistors, de résistances, de condensateurs pour faire la calculette. Et puis, ils se disent « mais au fond, au lieu de faire un circuit intégré qui ne fait que ça, on va le programmer. On va pouvoir commander pour qu'il fasse différentes fonctions, qu'il puisse faire des séquences différentes ». Et là, ils s'aperçoivent qu'ils ont inventé le microprocesseur. Parce que ça, un système qui enchaîne différentes opérations numériques, ça s'appelle un microprocesseur. Et là, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus général, que c'est une catastrophe parce que, en fait, la propriété intellectuelle, c'est une commande, appartient à la société japonaise. Fort heureusement, la société japonaise fait faillite. Intel rachète les droits pour 25 000 $. Et c'est comme ça qu'Intel est devenu Intel, qui était une toute petite entreprise, et est devenu le plus grand producteur mondial de composants. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons de micro-informatique, de microprocesseurs et surtout de la loi de Moore qui, en 1965, a donc... On parle de loi, Maud Vinet, mais c'est pas vraiment une loi, en fait, à l'origine. Ce que Gordon Moore, qui est, il faut le rappeler, hein, l'un des cofondateurs d'IBM, pas encore en 65. En 65, il est encore chez Fairchild Semiconductors. C'est une hypothèse, a priori. Oui, c'est une constatation. Il a regardé comment... Il a fait une constatation assez remarquable. Il avait remarqué que le coût d'un transistor, le coût unitaire d'un transistor dépendait du nombre de transistors qu'on mettait sur un circuit intégré, qui avait un optimum. Et cet optimum, il provient du fait que on utilise au maximum les machines, les capacités technologiques, mais qu'il y a un moment, quand on en met trop, on a une baisse de rendement. Et du coup, ça faisait des courbes en creux. Et il s'est dit, l'industrie de la microélectronique, finalement, c'est une industrie, elle va toujours se placer à l'optimum de coût. Et il a regardé sur 5 points. Il a regardé sur 5 points, et quelle était la tendance. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une tendance semi-logarithmique, c'est-à-dire que tous les 2 ans, et on revient à ce que vous avez dit au début de l'émission, tous les 2 ans, le nombre de transistors, il doublait. Et du coup, il dit, ça s'est passé comme ça, je vais extrapoler, et pour 10 ans au moins, ça va se passer, probablement ça peut se passer comme ça, je projette. Et puis, bah, il s'avère que ça va devenir cette prédiction autoréalisatrice qui va conduire toute l'industrie de la microélectronique et pour laquelle Intel, récemment, dans les grandes publications cette année en décembre à IEDM, qui est la grande conférence de la microélectronique, Intel dit qu'ils suivent encore la loi de Moore avec les dispositifs qu'ils conçoivent. C'est la dimension économique, elle est très importante, Claude Vesbuche, parce qu'on pense souvent à la multiplication de la puissance du nombre de transistors, parce qu'au départ c'est la multiplication du nombre de transistors tous les deux ans, mais il faut toujours rajouter à coût égal. Oui, alors juste un petit bémol, vous avez dit tout à l'heure que ça doublait tous les ans. Tous les ans, dans l'article de Moore, c'est tous les ans, et c'est pour ça qu'entre 65 et 75, il prédisait un gain de 1000, puisqu'en 10 ans, 2 puissance 10, ça fait 1000. En 75, il a révisé la loi en disant « ça va être tous les deux ans ». Et après, au cours des années, c'est devenu tous les 18 mois. Oui, c'est ça. Entre les deux. Mmh. Et j'ai dit une autre bêtise, j'ai dit que Moore était cofondateur d'IBM, c'est d'Intel. D'Intel, pas d'IBM, bien sûr. Hein, voilà. Oui, vous auriez corrigé par vous-même. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dès 65, il voit l'importance du coût. Et alors bon, faisons un zoom rapide. On a multiplié le nombre de composants par 1 milliard à la louche. En fait, c'est plutôt 100 milliards. Enfin, disons 1 milliard. Mais en même temps, le coût du circuit intégré est resté le coût d'un transistor en 65. Donc, bien sûr, si on avait multiplié le nombre de transistors par 1 milliard et qu'on n'avait pas diminué le coût par transistor, on ne pourrait pas se payer un microprocesseur. En même temps, comme le disait Maud Vinet, le rendement, la fiabilité, le rendement de fabrication a augmenté d'un facteur d'un milliard. On n'aurait pas pu se permettre le taux d'échec par transistor. Et en même temps, la fiabilité du circuit en fonctionnement a augmenté d'un milliard. Il y a eu un certain nombre de facteurs d'un milliard ou de 100 milliards maintenant qui ont fait le succès de la microélectronique. Sinon, on n'en aurait pas partout des microprocesseurs. Comment est-ce qu'on explique technologiquement qu'on ait pu... Parce qu'effectivement, au début, c'est de 65 à 75. D'ailleurs, en 75, Gordon Moore va reformuler ce qui est devenu sa loi, Maud Vinet. Ouais, il va la préciser. Il va adapter, comme le précisait Claude Vesbuche, il va adapter sa loi. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, la question de comment est-ce qu'on fait ça, parce que Gordon Moore, il a juste énoncer cette loi macroscopique. Et il y a Bob Denhardt, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler quand j'étais chez IBM, qui a énoncé la loi de scaling. Donc là, on arrive sur une loi physique, et où il énonce la manière dont les paramètres qui construisent un transistor, donc un transistor, on le disait au début, c'est un interrupteur qui est piloté en tension, et donc il a des éléments physiques, cet interrupteur, il a une source, un drain et une grille qui est le pilotage en tension. Et donc Bob Denhardt, il va dire comment je dois rapprocher la source et le drain, comment je dois mettre à l'échelle l'oxyde de grille qui va permettre le pilotage en tension de cet interrupteur, comment je dois jouer sur les niveaux de dopage, et les niveaux de dopage, c'est ce qui nous permet dans un transistor d'avoir des régions qui sont semi-conductrices, des régions qui sont conductrices. Il va dimensionner et émettre ces lois de scaling qui vont permettre à toute l'industrie, qui vont être un guide pour les physiciens et qui vont conduire l'industrie pendant un certain nombre d'années. Alors les chercheurs, ils vont faire des ajustements, ils vont comprendre. Claude Vesbuche parlait de fiabilité, on va travailler sur des phénomènes de fiabilité, mais pendant tout un moment, on va suivre cette loi du scaling de Bob Denhardt. Claude Vesbuche. Oui, alors, deux choses. D'abord, je vais revenir aux lois d'échelle, scaling, loi d'échelle de Denhardt, mais il y a aussi le fait qu'on fabrique dans des conditions parfaites physico-chimiques l'ensemble des composants. Ça s'appelle les salles blanches. Ça se fait sous vide ou sous ultra-vide. Et donc, du coup, à l'époque, quand on a commencé à faire... au fond, l'histoire se répétait. On a... Bell, les laboratoires Bell, ont inventé le transistor parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir la fiabilité qu'il fallait dans leur système de commutation de téléphone par relais. Simplement, les relais s'oxydaient, etc. Donc, il leur fallait un système qui soit sans faille. Et puis après, quand sont arrivés les circuits intégrés, ils se disent « Oh là là, mais il y aura des défauts ». Mais ce qui se passait en même temps, c'est que les circuits imprimés, où on assemblait des éléments individuels, on n'arrivait pas à faire les soudures avec suffisamment de précision. Donc, il y avait des taux de dès qu'on passait à quelques milliers de composants, le circuit imprimé ne marchait pas. Par contre, on arrive à faire 100 milliards de composants sur une seule puce, et même sur toute une plaquette, on fait 100 fois ça, donc 10 000 milliards de composants, et toutes les soudures sont bonnes. Enfin, 99% du circuit fonctionne, et on peut faire des corrections d'erreur en plus. Donc, c'est ça qui fait aussi la fiabilité. Donc, c'est ça qui fait qu'on peut faire tous ces composants. J'en viens aux lois d'échelle. Et là, il y a une confusion. Loi du scaling, dont parlait Louis Molinet. Donc, le scaling, ouais. C'est-à-dire, effectivement, on diminue toutes les dimensions d'un transistor dans un circuit intégré, y compris les fils d'interconnexion, les contacts, tout diminue. Et c'est merveilleux. Smaller is beautiful, smaller is better. Plus petit, c'est mieux. C'est-à-dire que, à la fois, comme les électrons vont avoir moins de distance à traverser, ils vont aller plus vite. Les résistances à de courtes distances aussi vont être plus faibles. Il y a un certain nombre de choses. On va avoir une densité qui va croître comme le carré, puisque si je limite un facteur 2, la densité par unité de surface croît comme le carré. Donc la puissance de calcul croît comme le cube. La vitesse multipliée par le carré, ça va faire le cube. Donc je divise les dimensions par 2 et j'ai 8 fois plus de puissance. Donc, et la tension aussi diminue. J'ai oublié de dire, la tension diminue, et donc du coup, la puissance consommée diminue, parce que la puissance consommée est proportionnelle au carré de la tension. Donc tout ça, c'est très bien. Et quand on parle aujourd'hui de fin de la loi de Moore, on confond la fin des lois d'échelle, qui est vraie, et la fin de la loi de Moore. Donc effectivement, la fin des lois d'échelle s'est produite, parce qu'on ne peut pas aller plus vite. Bon, on discutait, on ne peut pas aller plus vite, on ne peut pas diminuer la puissance à ce niveau-là. Mais c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui se passe aujourd'hui. On va ne pas aller trop vite, parce qu'effectivement, on va y arriver dans quelques instants. Mais tout de même, une question, c'est que effectivement, l'idée de l'augmentation de cette loi de Moore, de la multiplication par deux tous les 18 mois du nombre de transistors, c'est en fait la réduction de taille. Donc en fait, c'est une division, c'est la division de la taille des transistors par deux. C'est-à-dire qu'en fait, la taille des transistors se résume à ce qu'on appelle aujourd'hui, Modvinet, la finesse de gravure. C'est ça. On regarde une des dimensions critiques des transistors, qui, alors, ce que vous appelez la finesse de gravure, ça va être la plus petite des dimensions des transistors, qui, pendant longtemps, on a pris comme référence, on parle de pas de photorépétition. En fait, les transistors, on les dispose sur le circuit de manière la plus régulière possible pour avoir cette finesse de gravure qui va être la meilleure possible, parce que plus on est régulier, en gros, plus on va réussir à faire petit. Et pendant longtemps, on prenait la moitié d'un pas de répétition d'un circuit typique. Et puis après, c'est devenu la longueur de grille. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cet interrupteur qui est contrôlé en tension, il est défini par la grille, et c'est la grille qui fait l'interrupteur. Et donc, pour donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, les transistors qui sont en production, la plus petite, la finesse de gravure, c'est 20 nanomètres. Donc 20 nanomètres, c'est 10^-9 mètres. C'est ce que c'est l'industrie... Hein, voilà. C'est, on est dans le milliardième, on est effectivement dans le milliardième de mètres. Je vais essayer de trouver un équivalent de quelque chose qui fait 20 nanomètres. L'équivalent, c'était la vitesse. C'est il y a une analogie très intéressante sur la vitesse à laquelle poussent nos ongles. Ah, allez-y. Mais je ne sais plus si c'était ce que pousse notre ongle en une heure. Il pousse énormément l'ongle. Je dirais un cheveu, c'est 100 microns. Un ribosome. Donc un ribosome, c'est une petite à l'intérieur un mécanisme, enfin une petite protéine cellulaire qui permet de transcrire l'ADN, c'est 20 nanomètres. Donc on est vraiment, c'est très, oui, très petit. 20 nanomètres, c'est 60 atomes aussi. Voilà. 60 atomes. Mais par rapport à un cheveu qui fait 100 microns, là on est 5000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Je ne parlais pas de la longueur, je parlais du diamètre, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses qu'on ne voit plus à l'œil. On manipule vraiment des objets qu'on ne voit plus. On a été obligé de construire tout un ensemble d'outils pour manipuler ces objets. Pour les auditeurs qui sont un peu fâchés avec les mathématiques, quand on parle d'un facteur exponentiel par deux tous les 18 mois, il y a cette fameuse fable, ce conte de l'échiquier de Sisa, vous savez, c'est-à-dire ce qu'on appelle le problème du grain de blé. On se dit, oh, mais x2 tous les 2 ans, c'est pas énorme. En fait, si vous regardez l'échiquier de Sisa, on arrive très vite donc à des proportions, puisque c'est une courbe exponentielle qui est asymptotique, donc qui va très vite dans des très très grandes hauteurs, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Claude Vesbuche, c'est-à-dire des centaines de milliards de fois par rapport à 1965, il y a 50 ans. Justement, alors parlons de la miniaturisation. On a le cap du milliard de transistors a été franchi en 2008. Je parle sous votre contrôle, mais enfin dans ces eaux-là. Ou un petit peu avant. J'avais trouvé. Ça dépend si c'est des mémoires. Alors là, il faut commenter dans le détail. Il y a des choses où il y a beaucoup de transistors, c'est les circuits mémoire, parce qu'ils sont très simples à faire et très réguliers. Les circuits qui vont faire des calculs, les microprocesseurs, là, ils ont moins de transistors. Et pour une raison simple en plus, c'est que ils consomment tellement d'énergie par transistor pour manipuler l'information, qu'ils peuvent pas fonctionner tous en même temps. De toute façon, on ne pourra pas faire fonctionner des milliards de transistors en même temps. Donc là, il y a une gestion de l'énergie qui devient extrêmement importante. Donc si on parle des mémoires, c'était quand même un peu avant, oui. La loi de Moore, en tout cas, on a souvent entendu dire qu'elle allait finir par ne plus pouvoir s'appliquer. Là, en l'occurrence, quand on parle de miniaturisation, le problème, c'est qu'il y a un mur de miniaturisation au-delà duquel il ne va plus être possible d'aller, puisqu'on va être confronté à des problématiques qui sont des problématiques de l'extrêmement petit, c'est-à-dire des problématiques quantiques. Claude Vesbuche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les murs, il y en a eu tout le temps, dans 50 ans, et ils se sont déplacés. Donc, quand on dit il y a des limites physiques, c'est parce qu'on se place dans un certain paradigme. On a un certain choix de contraintes qu'on impose, qu'on identifie. Et à ce moment-là, on dit, Alors, dès le début, les gens commençaient à dire quel va être le plus petit trait. Et les premières études, c'était 2 microns. 2 microns parce qu'on n'arrivera pas à faire des plus précis, parce qu'il y aurait des rayons cosmiques qui vont créer des charges et qui vont perturber le circuit intégré. Donc ça, c'est dans les années 60, c'était 2 microns. Et puis après, j'ai eu la chance de vivre tous ces événements. On a trouvé des tas d'obstacles. À un moment, par exemple, qu'on diminue la taille, bien sûr, comme il faut faire passer toujours autant de courant, la densité de courant devient énorme. On travaille quand même sur des densités de courant qui sont de 100 kiloampères par centimètre carré. Alors ça ne vous dit rien, mais c'est aussi pas très loin de là où le cuivre se désagrège. Et ce qui s'est passé au milieu des années 80, on faisait les circuits avec des conducteurs en aluminium, et sous l'effet du vent d'électrons, les atomes d'aluminium se déplaçaient. C'est ce qu'on appelle l'électromigration des atomes, et il y a une entreprise qui a fait faillite, parce que simplement, du jour au lendemain, tous ces circuits intégrés sont tombés en panne chez les clients. On a résolu ce problème en faisant du cuivre, en mettant du fil de cuivre, donc qui pouvait faire passer plus de courant. Mais pour tous les gens qui faisaient du silicium à l'époque, le cuivre est un poison pour le silicium. C'est-à-dire, il perd toutes ses propriétés. Donc, il fallait faire des conducteurs de cuivre sur les circuits intégrés et empêcher les atomes de cuivre qui pourraient bouger de pénétrer dans le silicium. Et donc, on a inventé des matériaux qui font des barrières à la diffusion du cuivre dans le silicium. C'est un exemple des problèmes qu'il y a eu. Il y en a eu plein. Donc, des murs, il y avait le mur de la lithographie. Comment est-ce qu'on trace des traits aussi fins? Alors, on a dit, l'optique, ça va pas marcher parce que la longueur d'onde de la lumière qui va limiter la taille des motifs qu'on peut tracer, reproduire. Et on a dit, il va falloir passer aux rayons X. Donc, dans les années 80-90, on a même développé des synchrotrons, des accélérateurs de particules spéciaux pour la lithographie, pour la microélectronique. Et puis, entre-temps, quand même, les gens ont fait progresser la lithographie optique. Et maintenant, la longueur d'onde qu'on utilise pour faire des circuits intégrés, dont Monde a parlé tout à l'heure de 20 nanomètres, c'est des lasers qui sont à 180, qui sont donc à 10 fois la plus petite taille, et on n'est pas limité encore par la longueur d'onde, puisqu'on pense qu'on arrivera même à 14 nanomètres, on fera encore une génération avec ces machines. Par contre, les machines sont devenues extrêmement chères. Une machine de lithographie pour insoler les circuits, ça coûte aujourd'hui 50 millions de dollars. Mais le marché est titanesque, il est gigantesque. Alors, mais on voit bien en tout cas l'argent investi précisément pour continuer, pour poursuivre et pour tenir justement cette courbe exponentielle de la loi de Moore. Et c'est là qu'on revient justement à la dimension économique de cette loi, Maud Vinet. Et c'est ça où vous mettez le point sur quelque chose qui est très intéressant de l'industrie du semi-conducteur. C'est que le coût de ces équipements, qui est aujourd'hui de l'ordre de 100 millions de dollars, ça fait longtemps que l'industrie du semi-conducteur, elle s'est rendue compte qu'elle avait intérêt à construire une roadmap, donc une feuille de route pour les gens qui allaient fabriquer les équipements, pour qu'ils puissent fabriquer des équipements qui satisfassent leurs besoins, c'est-à-dire qu'on construise une masse critique. Donc, dès les années 73, les États-Unis sont les premiers à avoir cette idée de mettre leurs industriels ensemble et ils construisent, ils font ce qu'ils appellent le SIA, la Semiconductor International Association. International, c'est les États-Unis. Hein. ils mettent leur écosystème pour donner des directions ce qu'on appelle les équipementiers, c'est les gens qui fabriquent les équipements, et leur dire, dans 2 ans, on aura besoin de ça. Dans 3 ans, on aura besoin de ça. Dans les années, fin des années 90, cette assemblée, elle est devenue mondiale, et c'est ce qui est bien connu sous le nom de ITRS, International Technology Roadmap for Semiconductor. Et là, ça rassemble tous les gens de l'industrie du semi-conducteur qui vont se mettre ensemble et qui vont dire, dans 2 ans, je serai à telle dimension pour ma plus petite finesse de grille, et qui décrivent toutes les spécificités du transistor et qui en déduisent tout, mais dans des manières assez profondes, les propriétés physiques, les propriétés électriques du transistor. Donc ça, c'est intéressant au niveau de structuration de l'écosystème, parce que c'est des gens qui sont en compétition, qui finalement se mettent ensemble, parce que la masse critique pour développer tout ce qui est coût d'ingénierie non récurrent, elle est tellement grande qu'on a besoin de consolider l'industrie pour pouvoir fabriquer les machines qui aujourd'hui permettent d'être à 193 nanomètres en longueur d'onde. Et on a même en lithographie, vraiment récemment, l'introduction de ce qu'on appelle l'extrême UV, où maintenant on commence à arriver dans les rayons X, où on est sur des longueurs d'onde de 13 nanomètres. Et juste un mot pour dire que International Technology Roadmap for Semiconductors, ça veut dire la technologie internationale, la feuille de route de technologie internationale pour les semi-conducteurs, en français dans le texte. Claude Vesbuche. Oui, mais elle a juste changé maintenant. Depuis 2-3 ans, ça s'appelle l'IRDS, l'International Roadmap, pour les composants et les systèmes. La vision étant qu'on ne peut pas parler de composants et de circuits sans parler du système, de l'ensemble de la chaîne. Der Computer, Nummer 3, sucht für mich den richtigen Beut. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Der Computer. Kragen 39, Schuhgröße 46, Stopp. Der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Lange war ich einsam, heute bin ich verliebt. Und nur darum ist das so, weil die Technik. Der Computer sur une voix qui vous est peut-être familière, parce qu'il s'agit de la voix de France Gall, oui, qui chante en allemand, donc Der Computer, puisque à 16h35 sur France Culture, nous parlons d'ordinateur, puisque nous parlons de la loi de Moore tout au long de 7h. Nous en parlons en compagnie de Maud Vinet, qui est physicienne, chercheuse en microélectronique au CEA Leti, et Claude Vesbuche, qui est physicien, directeur émérite de recherche CNRS à l'École Polytechnique, professeur à l'Université de Californie et membre de l'Académie des Technologies. Mais comme tous les mercredis, à mi-parcours de cette émission, c'est l'heure de la recherche montre en main. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu à Grenoble, Mehdi Kessar, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en deuxième année de thèse en informatique et mathématiques appliquées au laboratoire GESCOP à l'université Grenoble-Alpes chez STM Microélectronique. Vous travaillez sur la science des données pour le contrôle du focus en photolithographie. Bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous. Alors la loi de Moore, c'est une loi qui a été énoncée il y a plus de 50 ans et qui dit que le nombre de transistors par unité de surface double tous les deux ans. Aujourd'hui, on est dans l'ordre de la vingtaine de nanomètres pour la taille d'un transistor. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce que c'est que 20 nanomètres, on l'a dit tout à l'heure, si vous prenez un de vos cheveux et que vous regardez son épaisseur, 20 nanomètres, c'est environ 5000 fois plus petit. Mais si les composants électroniques ont plus de transistors, ça veut dire qu'ils sont plus puissants, plus rapides, mais ça veut aussi dire qu'ils sont plus difficiles à fabriquer. Parce que deux fois plus de transistors tous les deux ans, ça fait deux fois plus de transistors qui potentiellement peuvent être défaillants sur une puce tous les deux ans. Pour maîtriser les procédés de fabrication, ST Microelectronics multiplie les contrôles, les mesures et les vérifications pour ne jamais livrer de puces défaillantes. Pour les technologies les plus avancées, il y a une étape de fabrication sur deux qui en fait est une étape de mesure. Pour vous donner une idée, certains appareils de mesure peuvent générer des milliers d'images de mesure par heure. Et quand on génère une aussi grosse quantité d'informations, on ne peut pas simplement avoir un ingénieur qui regarde les images une par une. On a besoin de l'informatique, et plus particulièrement d'intelligence artificielle, pour pouvoir détecter, décrire et caractériser les problèmes qui surviennent ou qui peuvent survenir pendant les procédés de fabrication. Et c'est dans ce contexte-là que se situe ma thèse. L'intelligence artificielle, c'est un mot qui est volontairement ambigu et qui englobe beaucoup de disciplines. Dans mon cas, je fais des sciences de données. En fait, c'est une association entre les mathématiques et l'informatique. Et il s'agit de développer des programmes informatiques pour pouvoir analyser toutes ces images et en extraire l'information nécessaire qui servira à prendre des décisions sur les procédés de fabrication. Un exemple très très simple, si une mesure sort de l'ordinaire, eh bien vous levez une alerte. Et en particulier, dans ma thèse, on s'intéresse à l'analyse d'images pour aider à un procédé qui s'appelle la photolithographie. La photolithographie, qu'est-ce que c'est ? En deux mots, c'est un procédé d'impression sur la puce par de la lumière qui fonctionne un peu comme un pochoir. En fait, on commence par déposer sur la surface de la future puce une fine couche photosensible qui va s'enlever lorsqu'elle est exposée à la lumière. En fait, elle sera rendue soluble. Et l'information du dessin de la puce se trouve sur ce qu'on appelle un masque qui jouera le rôle du pochoir et il va filtrer la lumière qui va réagir avec la couche photosensible. Le résidu restant de la fine couche permet en fait de protéger la surface de la puce quand on va implanter les transistors par la suite. C'est un procédé qui demande une grande précision. La puce doit se situer à une distance exacte du masque et on a quelques dizaines de nanomètres de marge de manœuvre pour que le dessin imprimé sur la puce soit net. C'est un peu comme pour prendre une photo, il faut être ni trop loin, ni trop près si on veut une photo nette. Et la gestion de cette distance, ça s'appelle le contrôle du focus. Le souci qu'on a, c'est qu'il n'y a aucun objet sur Terre qui est totalement plat. Il y a toujours des variations de hauteur, même très petites, et il y en a sur la puce. Ces variations de hauteur, c'est ce qu'on appelle de la topographie. Et même si ces variations, c'est que quelques dizaines de nanomètres, bah cette topographie, elle va parasiter l'exposition à la lumière pendant la photolithographie, parce que la topographie peut, entre guillemets, faire sortir la puce de cette marge de focus. Donc mon travail principal, c'est d'analyser ces mesures de topographie pour éliminer au maximum l'impact que ça peut avoir sur le procédé de photolithographie. Merci beaucoup Mehdi Kessar pour cette excellente présentation. Une réaction, je voyais nos deux invités ici en studio, vous ne pouvez pas les voir, mais qui opinaient du chef, qui avait l'air d'être très intéressé par votre présentation, me devinait. Bah, merci Mehdi, parce que dans vos travaux, moi je suis utilisatrice, donc moi je fais partie des gens qui construisent ces transistors et qui utilisent les données qui sont générées par le contrôle pour décider des étapes qu'on va faire pour essayer d'avoir des transistors qui soient plus petits, plus fiables, plus performants. Et donc toute cette analyse des données métrologiques, donc qui mesure tout au long de la fabrication, c'est vraiment une aide à la décision en permanence qu'on utilise. Claude Vesbuche. Ça fait partie des centaines de mini-murs qu'il y a eu à franchir, qui se reproduisent, c'est des nouveaux, à chaque fois des nouveaux mini-murs comme ça, qu'on n'avait pas avant, et puis qu'on a maintenant dans une nouvelle génération. Intel parle d'un mur avec un grand W, puisque c'est wall en anglais, un grand mur en 2030, parce qu'il y a la question donc que j'évoquais tout à l'heure des interactions thermiques à l'échelle quantique, nanométrique, mais il y a aussi la question des coûts prohibitifs de développer des technologies qui permettraient de dépasser ce mur avec un grand W, Claude Vesbuche. Alors, il y aura un mur en 2033 à peu près, avec qu'on sera à un nanomètre. On parle de un nanomètre. Ça paraît un peu hallucinant, ça fait ça, paraît, c'est ça, fait, trois, ça fait trois atomes, donc. mais apparemment, il y a des gens qui ont commencé à faire des transistors comme ça. Alors, le mur de l'argent, ça, de l'investissement, c'est extrêmement intéressant. Alors, l'industrie de la microélectronique fonctionne avec 15% du chiffre d'affaires en R&D et 15% en investissement. Pour un marché qui fait 400 milliards, 15%, ça fait 60 milliards par an d'investissement et 60 milliards par an de recherche. 60 milliards par an pour un chiffre d'affaires de 4 milliards, ça veut dire que, comme les usines sont effectivement obsolètes au bout de 6 ans, il va falloir se battre. Alors, les 60 milliards de R&D, c'est ça qui permet de passer les murs, quand même, hein, de franchir tous ces obstacles. Quand il y a 60 milliards dans un domaine, ça permet quand même de faire beaucoup de choses, et c'est ça qui permet d'expliquer le progrès de la lithographie, de tous les éléments dont on a besoin. Pour l'investissement, bah, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un certain nombre d'industriels qui ont arrêté. C'est-à-dire, soit ils se sont regroupés. Alors, l'industrie de la microélectronique, c'est une industrie de fusion, de scission extraordinaire. Il y a beaucoup moins d'industriels. Et là, on a appris ces jours derniers que le quatrième mondial allait s'arrêter à la génération actuelle de 14 nanomètres qui est en développement et qu'il n'aurait pas fait les 10 nanomètres. Et du coup, apparemment, il n'y aura que trois sociétés qui feront la prochaine génération de 10 nanomètres. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas le détail, mais apparemment, ça sera Samsung. Intel et TSMC, qui est le grand fondeur mondial pour tous les industriels. Et celui qui s'arrête, c'est AMD ? C'est Global Foundries. Global, c'est ça. Oui, anciennement AMD. La question de cette loi de Moore, de cette course à la loi de Moore à tout prix, Maudvinné, c'est peut-être aussi, faut peut-être aussi poser la question des usages. Est-ce que aujourd'hui nos pratiques ne sont pas en train de se transformer? Est-ce que on a besoin d'arriver, alors peut-être pour certains ordinateurs particuliers, mais est-ce que dans la vie aujourd'hui, le marché informatique a besoin de continuer à suivre à tout prix cette loi de Moore, ou est-ce que les usages, je pense évidemment au cloud, sont en train de changer et font que ça n'est plus, tous les utilisateurs de PC vous diront, moi le premier, que je ne change plus mon ordinateur aujourd'hui à la même vitesse que je changeais il y a 10 ans. Alors, j'aime bien votre question. Merci. Je vais adorer votre réponse. Parce qu'on ne change plus, nous, en tant qu'utilisateurs, peut-être on ne change plus nos PC, peut-être on ne change plus nos téléphones, quoique les téléphones... Les téléphones, si. Les téléphones, maintenant, on les change. En fait, il y a eu un changement des usages. Le PC qui était autrefois le principal vecteur du marché, le principal objet du marché, a été supplanté par les tablettes et par les téléphones qui maintenant ont pris le dessus. Et donc aujourd'hui quand même, ce qu'on prévoit, c'est que le nombre d'objets connectés par personne, il a encore de beaux jours devant lui à augmenter. Et on parlait des PC, on parlait des téléphones, on a les montres connectées, maintenant on va parler du véhicule autonome. Ouais, moi non plus, mais si on regarde les jeunes, ils ont tous leur montre connectée et on va vers le véhicule autonome. Donc il y a encore aujourd'hui tout quand même devient l'industrie de la microélectronique. Et c'est marrant parce que toutes nos conférences de microélectronique, elles commencent comme ça, comme une grande messe où on nous dit l'industrie de la microélectronique, elle va se mettre partout. Et on le voit, il y a des capteurs de partout aujourd'hui. Donc la question de est-ce qu'on a besoin du plus petit, elle se pose un peu différemment. Et Claude Weisbusch le mettait bien, il y a la consommation énergétique, et il y a le type de calcul qu'on va faire, qui font qu'on a une équation économique, type de calcul, et en fonction du type de calcul, on a des murs qui vont faire plus ou moins de sens. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'industrie de la microélectronique, c'est une diversité. On insiste à une diversité des types d'architectures, des types de dispositifs, de types de produits qui vont adresser différents types de calculs et différents besoins. On est vraiment à une transition. Alors, plus que dire la loi de Moore, elle est morte, aujourd'hui, l'industrie de la microélectronique, elle est en train de vivre une transition où on se pose des questions de ce qui va être optimal, alors qu'avant, on faisait bêtement, on suivait un chemin de mise à l'échelle. Je vais rebondir ou vous poser la même question, mais sous une formulation de Béotien, Claude Weisbusch. Finalement, est-ce que Watson n'avait pas raison? Est-ce qu'on va pas arriver dans une ère où il y aura besoin de 5 supercalculateurs dans le monde qui seront le cloud, et puis nous, on aura des terminaux, mais qui n'auront pas du tout besoin de cette course à la performance que constitue la loi de Moore depuis 65? Non, alors c'est pas comme ça que ça se passe tout à fait. En fait, effectivement, les produits étaient assez clairs. Il y avait l'ordinateur, tout était simple. Il n'y avait pas encore le smartphone, donc l'identification des besoins, des circuits dont on avait besoin était c'est simple. Et comme le dit Moonviné, le monde a complètement changé et on est en pleine mutation. Alors, ce qui se fait passer, c'est que les vraies révolutions ne sont pas des révolutions technologiques, c'est des révolutions d'usage. Au fond, il n'y a pas de révolution technologique dans la miniaturisation. Bon, c'est difficile, il y a des centaines de milliers d'ingénieurs qui travaillent là-dessus, mais c'est la même chose quand même qui continue. Par contre, les usages, le smartphone, vous n'avez plus d'appareil photo. Aujourd'hui, les gens utilisent leur smartphone parce que l'appareil photo est suffisamment bon. Comme vous l'avez dit, on ne change plus d'ordinateur. Effectivement, avant, moi, je changeais d'ordinateur parce que je remplissais la mémoire. Maintenant, je n'ai plus besoin. Et puis en plus, maintenant, je n'ai plus besoin de mémoire puisque je peux aller dans le cloud. Mais vous avez déplacé le problème, là. Ça veut dire que vous avez les data centers. Et le data center, ça consomme, comme on le sait, de l'électricité, mais aussi beaucoup de circuits électroniques. Ça consomme l'électricité, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de circuits électroniques. Et c'est des circuits électroniques un peu spéciaux, quand même. C'est pas les mêmes qu'il y a dans votre ordinateur. Ils sont beaucoup plus puissants. Il y en a d'énormes quantités. Et puis, il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas non plus les microprocesseurs habituels. Vous avez besoin de systèmes qui font des fonctions dédiées, par exemple les réseaux de neurones. Pour faire des l'association de données. Par exemple, le véhicule autonome va consommer énormément de semi-conducteurs. Il est prévu que d'ici quelques années, ça représentera 11% du marché des semi-conducteurs. Donc, au fur et à mesure, apparaissent des nouveaux besoins venant du marché, venant de la demande, de demandes qui ne sont pas identifiées aujourd'hui, mais ça continuera certainement. Alors l'une des questions de ce futur, de ce relais, c'est ce que j'évoquais au tout début de cette émission, ce fameux CES début janvier, la présentation d'IBM du premier ordinateur dit quantique. Alors on va mettre beaucoup de guillemets autour de ce mot de quantique qui est un peu utilisé à tort et à travers, de ce premier ordinateur quantique commercial. En quelques mots, puisqu'on va aller essayer de comprendre quels sont les murs, et là ils sont très nombreux, ils sont très robustes autour de cet ordinateur quantique, mais on disait avant l'émission, l'ordinateur quantique pour le moment c'est une chimère, Claude Vesbuche. Oui, alors il y a un rêve, hein, le rêve du physicien qui connaît un peu la mécanique quantique, c'est que sur un atome, on revient à vous Granby tout à l'heure, sur un atome on peut simplement coder deux informations suivant qui... Il est excité ou pas, mettons, oui. Si j'en prends deux, j'ai quatre possibilités. Si j'en prends 100, j'ai de puissance 100 possibilités. Et c'est plus que tous les disques durs, toute l'information qu'on a aujourd'hui sur Terre. Donc si j'arrive à coder tous ces éléments en gardant que tous ces atomes sont corrélés entre eux, il y a une intrication, ils ont bien ils sont pas indépendants, c'est pas 100 fois 2 possibilités, mais c'est 2 puissance 100, c'est là qu'arrive la mécanique quantique, la propriété quantique. On se dit, si je commence à manipuler ces 100 atomes, je fais 2 puissance 100 opérations, en un seul changement, et donc j'ai ce qu'on appelle le parallélisme quantique. Donc c'est merveilleux dans le principe. Mais, non, peut-être pour compléter avec une image que j'utilise souvent pour parler de l'ordinateur quantique, c'est l'image du labyrinthe pour illustrer l'accélération que pourrait apporter un ordinateur quantique. C'est qu'aujourd'hui, si on prend quelqu'un qui est classique, un ordinateur classique, dans un labyrinthe, il peut aller à droite ou à gauche. Et dans un ordinateur quantique, le bit quantique, le qubit, il pourrait aller à droite et à gauche en même temps. Et donc, on comprend intuitivement que le temps de chercher dans tout le labyrinthe... De résoudre le labyrinthe est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide pour l'ordinateur quantique. Et du coup, ce rêve... Il y a des types de problèmes. Alors, il y a des classes bien spécifiques de problèmes qui sont des classes qu'on appelle d'algèbre linéaire qui pourraient bénéficier de cette accélération de l'ordinateur quantique. Et du coup, ça a un impact énorme en termes d'application. Ça pourrait révolutionner, résoudre des problèmes qu'on ne sait pas résoudre actuellement et aller beaucoup plus vite sur certaines classes de problèmes. Et vous mettez tout au conditionnel parce que, comme on va l'entendre dans quelques secondes, l'ordinateur quantique pour tous, c'est promis par IBM, mais ça n'est pas vraiment pour tout de suite. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au service de physique de l'état condensé au CEA en quête des tout derniers travaux de recherche précisément sur ce fameux ordinateur quantique. Oui, alors je précise, ce sont des recherches très fondamentales pour le moment sur le calcul quantique qui exploite un principe directement issu de la mécanique quantique, celui de la superposition des états, c'est-à-dire qu'une particule donnée peut être dans deux états à la fois. Et comme on l'a dit, c'est tout ce qui confère la puissance au calcul quantique. Les processeurs quantiques pourraient calculer de manière massivement parallèle en peu de temps. Sauf que dans la nature, eh bien, la superposition d'états est instable, c'est la décohérence. Et c'est ce problème que les chercheurs essaient de résoudre pour faire les qubits, les bits quantiques, suffisamment durables pour donner le temps au calcul de bien pouvoir se faire. J'ai retrouvé Patrice Berthet, qui est chercheur en quantronique et qui m'a présenté les expériences en cours de son équipe. Le calcul quantique est basé sur le principe de superposition d'états qui dit que, contrairement à la physique classique, des états, un porteur d'information, un bit, peut être non seulement dans son état 0 ou dans son état 1, mais peut aussi être dans une superposition de ces états 0 plus 1. Alors, quand on applique ce principe de superposition, non pas à un seul bit, mais à un registre de n bits, on obtient des registres qui peuvent être dans n'importe quelle superposition de tous leurs états de base. Et ça, ce sont des états qui ont une grande richesse et qui sont très ce qu'on appelle intriqués, et donc qui peuvent permettre de paralléliser, si on trouve les algorithmes, les méthodes de calcul, c'est ce qui est hautement non trivial car les règles de calcul sont complètement différentes. Donc une fois qu'on a ces algorithmes, on a ces règles de calcul qui permettent d'utiliser ces états compliqués à un grand nombre de qubits pour effectuer des tâches qui parfois peuvent être plus rapides que les tâches effectuées par un calculateur classique. Ça, ce sont du calcul qui en théorie fonctionne bien, mais comment maîtriser cet état de superposition qui a priori est quelque chose d'assez fragile? Comment on pourrait forcer ces états à être durables et stables dans le temps, dans des architectures bien stables? Alors, vous touchez en effet du doigt un des problèmes majeurs de cette idée très belle et très intéressante du calcul quantique, c'est que justement ces superpositions d'états sont très fragiles. Elles sont très fragiles parce que les systèmes physiques réels sont toujours couplés à leur environnement, qui introduit du bruit, et ce bruit peut mène de manière un petit peu inévitable à la perte de ce qu'on appelle la cohérence quantique, qui est en fait l'essentiel, la propriété essentielle qui différencie le calcul quantique du calcul classique. De manière très concrète, ce bruit que vous mentionnez, ça provient simplement du dispositif en lui-même, de la source qui émet les rayonnements, ou alors du matériau en lui-même? Alors, il peut y avoir du bruit technique, un champ magnétique qui est mal contrôlé et qui va fluctuer dans le temps. Il peut y avoir des impulsions de contrôle qui, tout simplement, sont générées par une source. Et ça, c'est un gros problème pour le calcul quantique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le domaine de la correction d'erreurs quantiques, qui est un domaine très actif, mais qui est donc... Théoriquement, on sait à peu près comment faire, mais la réalisation pratique de ces idées est encore très très très loin d'être à l'ordre du jour. Quelles sont justement les pistes en développement pour réussir à pallier cette décohérence quantique qui est un phénomène naturel finalement ? Alors, dans notre laboratoire, nous essayons de combiner des bits quantiques qui ont ces longs temps de cohérence que sont les spins nucléaires avec des circuits quantiques supraconducteurs. Donc ici, Emanuele Albertinale, qui est un étudiant en thèse italien et qui est en train de mesurer un circuit supraconducteur en ce moment même, qui est refroidi à 10 millikelvin dans un cryostat à dilution. Oui, en fait, je suis en train d'étudier une façon de coupler un circuit supraconducteur avec des spins électroniques dans les bismuths. Et du coup, là, j'ai fait un échantillon avec un résonateur superconducteur sur un bout de silicium avec du bismuth implanté. Et là, je suis en train justement de mesurer, là pour le moment, mon résonateur. Et après, on va envoyer des pulses pour voir comment les spins dans les bismuths nous répondent. Voilà, nous sommes ici dans la salle expérimentale dans laquelle se trouvent deux de nos cryostats à dilution. Ce sont ces cryostats qui font le bruit que vous entendez. Et qui servent à refroidir... absolument les dispositifs quantiques que nous étudions à une température de 10 millikelvin. Ce qui est nécessaire pour que les propriétés quantiques soient révélées. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ici ? Aujourd'hui, les cryostases sont en train de fonctionner. Donc tout est fermé et l'échantillon est dedans. En période d'expérience comme ça, on travaille dans la salle de mesure qui est juste à côté. En revanche, avant d'en arriver là, il faut bien entendu monter l'échantillon. Donc une bonne partie de notre travail consiste à concevoir les échantillons, les fabriquer. Nous les fabriquons à l'atelier de nanofabrication de notre laboratoire, le SPEC, et puis nous les montons dans ces cryostats. Donc on monte l'expérience, puis après on ferme, on pompe pour que le cryostat soit sous vide, et puis on lance le refroidissement. Donc finalement, vous êtes en bonne voie de pouvoir concevoir ces architectures pour maîtriser les qubits ? Alors, notre travail est un travail de recherche fondamentale. Donc, en bonne voie, bien malin qui le dira. Nous pensons faire des progrès. Nous pensons que c'est une direction qui est intéressante pour des raisons fondamentales et aussi peut-être avec des perspectives applicatives, mais nous ne sommes pas sûrs. Nous sommes d'ailleurs impliqués dans une chaire industrielle avec Atos, qui est intéressé au calcul quantique. Maintenant, cette architecture reste à démontrer, hein, et nous sommes encore en phase préliminaire de caractérisation et de démonstration de cette architecture. Voilà le reportage sur cette recherche fondamentale autour de l'ordinateur quantique. Je vous renvoie aux émissions que nous avions déjà consacrées à cette question. On vous met les liens sur le fil Twitter de l'émission At la méthode FC. Il nous reste quelques secondes avant de conclure cette émission. J'ai une dernière question qui est en général indissociable de la loi de Moore puisque c'est une augmentation exponentielle. Qui dit loi de Moore dit singularité informatique. Alors Claude Vesbuche, la singularité informatique un jour ou pas ? Ah bah, si on se place uniquement du point de vue... Alors, qu'est-ce que c'est que la singularité informatique ? C'est le fait qu'on puisse avoir des circuits intégrés silicium, qui est la puissance du cerveau humain. Et après, comme on continuera à croître, la puissance informatique deviendra plus grande. C'est le tipping point, le point de bascule. Oui, c'est le point de bascule. De là à penser qu'on pourra émuler un être humain à partir de silicium, ça, j'y crois pas du tout. Alors, il y a des gens qui rêvent de vivre perpétuellement en transférant leur cerveau dans du silicium. Là, c'est vraiment rien connaître au cerveau. Oui, c'est de la science-fiction. Donc, on est en pleine science-fiction. C'est comme les gens qui se font cryogéner, qui se mettent à l'azote liquide pour survivre. Mais Maud Vinel, la singularité informatique, c'est, on ne sait pas exactement, il y a plein de définitions, mais mathématiquement, si on suit une courbe exponentielle, enfin, c'est une courbe asymptotique, donc il y a forcément un moment où on tend vers l'infini. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, en tant que chercheuse, ça va être difficile de vous donner une réponse affirmative. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on continue à augmenter les puissances de calcul. On se pose des questions sur les problèmes qu'on va savoir résoudre. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche vraiment et ce qu'on cherche avec l'ordinateur quantique, c'est investiguer un champ des possibles qui est pas accessible aujourd'hui avec l'ordinateur classique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Maud Vinet, merci Claude Vesbuche. Je remercie aussi également Mehdi Kessar qui a dû nous quitter, qui était en duplex avec nous depuis Grenoble, ce qui me permet de remercier également nos camarades de France Bleu Isère et toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve-Étienne, Céline Lozen et Eleonore Pérez, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Olivier Bétard, Pierrick Monsigny aujourd'hui à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain nous laisserons emporter par la foule en cette période de mouvement de rue, c'est d'époque, hein, pour l'observer cette foule sous un angle strictement scientifique. Est-ce que c'est un fluide ? Est-ce qu'on peut prédire ses mouvements ? Comment peut-on modéliser son comportement ? Allez, on prend un grand bain de foule demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.